Premier livre de Samuel, chapitre 25. Or Samuel mourut, et tout Israël s'assembla, et le pleura, et on l'ensevelit en sa maison à Rama. Et David se leva, et descendit au désert de Paran. Or il y avait à Maon un homme qui avait ses troupeaux en Carmel, et cet homme-là était fort puissant, car il avait 3000 brebis, et 1000 chèvres, et il était en Carmel quand on tondait ses brebis. Et cet homme-là avait nom Nabal, et sa femme avait nom Abigaïl, qui était une femme de bon sens, et belle de visage, mais lui, il était un homme grossier, et avec qui il faisait mauvais avoir affaire, et il était de la race de Caleb. Or David ouït dire dans le désert, que Nabal tondait ses brebis. Et il envoya 10 de ses gens, et leur dit, « Montez en Carmel, et allez-vous envers Nabal, et saluez-le en mon nom, et lui dites, « Autant en puisses-tu faire l'année prochaine en la même saison, et que tu te portes bien, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs, or tes bergers ont été avec nous, et nous ne leur avons fait aucune injure, et rien du leur ne s'est perdu pendant tout le temps qu'ils ont été en Carmel. Demande-le-leur, et ils te le diront, que ces gens donc soient dans tes bonnes grâces, puisque nous sommes venus en un bon jour. Nous te prions de donner à tes serviteurs, et à David ton fils, ce qui te viendra en main. » Les gens donc de David vinrent, et dirent à Nabal au nom de David toutes ces paroles, puis ils se tinrent tranquilles. Et Nabal répondit aux serviteurs de David, et dit, « Qui est David, et qui est le fils d'Isaïe ? Aujourd'hui est multiplié le nombre des serviteurs, qui se débandent avec leur maître. Et prendrai-je mon pain, et mon eau, et la viande que j'ai apprêtée pour mes tondeurs, afin de la donner à des gens que je ne sais d'où ils sont ? » Ainsi les gens de David s'en retournèrent par leur chemin. Ils s'en retournèrent donc, et étant venus ils lui firent leur rapport selon toutes ces paroles-là. Et David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. » David aussi saignit son épée, et il monta avec David environ 400 hommes, mais 200 demeurèrent près du bagage. Or un des serviteurs d'Abigaïl femme de Nabal lui fit rapport, et lui dit, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a traités rudement. Et cependant ces hommes-là nous ont été fort bonnes gens, et nous n'en avons reçu aucun outrage, et rien de ce qui est à nous ne s'est perdu, pendant tout le temps que nous avons été avec eux, quand nous étions au champ. Ils nous ont servi de muraille nuit et jour, tout le temps que nous avons été avec eux, paissant les troupeaux. C'est pourquoi maintenant, avise et prends garde à ce que tu auras à faire, car le mal est arrêté contre notre maître, et contre toute sa maison, mais c'est un homme si grossier qu'on oserait lui parler. » Abigaïl donc se hâta, et prit 200 pains, et 2 outres de vin, et 5 moutons tout prêts, et 5 mesures de grains rôtis, et 100 paquets de raisins secs, et 200 cabas de figues sèches, et les mit sur des ânes. Puis elle dit à ses gens, « Passez devant moi, voici, je m'en vais après vous, et elle n'en déclara rien à Nabal son mari. » Et étant montée sur un âne, comme elle descendait à couvert de la montagne, voici David et ses gens descendant la rencontrèrent, et elle se trouva devant eux. Or David avait dit, « Certainement c'est en vain que j'ai gardé, tout ce que celui-ci avait au désert, en sorte qu'il ne s'est rien perdu de tout ce qui était à lui, car il m'a rendu le mal pour le bien. Dieu fasse ainsi aux ennemis de David, et ainsi il y ajoute, si d'ici au matin je laisse rien de tout ce qui appartient à Nabal, depuis l'homme jusqu'à un chien. » Quand donc Abigaïl eut aperçu David, elle se hâta de descendre de dessus son âne, et se jeta sur son visage devant David, et se prosterna en terre. Elle se jeta donc à ses pieds et lui dit, « Que l'iniquité soit sur moi, mon Seigneur, et je te prie que ta servante parle devant toi, et écoute les paroles de ta servante. Je te supplie que mon Seigneur, ne prenne point garde à cet homme de néant, à Nabal, car il est tel que son nom, il a nom Nabal, et il y a de la folie en lui, et moi, ta servante, je n'ai point vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant donc, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme vit, l'Éternel t'a empêché d'en venir au sang, et il en a préservé ta main. Or que tes ennemis, Et ceux qui cherchent de nuire à mon seigneur, soient comme Nabal. Mais maintenant voici un présent que ta servante a apporté à mon seigneur, afin qu'on le donne aux gens qui sont à la suite de mon seigneur. Pardonne, je te prie, le crime de ta servante, vu que l'Éternel ne manquera point d'établir une maison ferme à mon seigneur, car mon seigneur conduit les batailles de l'Éternel, et il ne s'est trouvé en toi aucun mal pendant toute ta vie. Que si les hommes se lèvent pour te persécuter, et pour chercher ton âme, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau de la vie par devers l'Éternel ton Dieu, mais il jettera au loin, comme avec une fronde, l'âme de tes ennemis. Et il arrivera que l'Éternel fera à mon Seigneur selon tout le bien qu'il t'a prédit, et il t'établira conducteur d'Israël. Que ceci donc ne soit point un obstacle, ni un sujet de regret dans l'âme de mon Seigneur, d'avoir répandu du sang sans cause, et de s'être vengé lui-même, et quand l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. Alors David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël, qui t'a aujourd'hui envoyé au-devant de moi. Et béni soit ton conseil, et béni sois-tu qui m'a aujourd'hui empêché d'en venir au sang, et qui en a préservé ma main. Car certainement l'Éternel le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant, que si tu ne te fusses hâté, et ne fusses venu au-devant de moi, il ne fût rien demeuré de reste à Nabal d'ici au matin, soit homme soit bête. » David donc prit de sa main ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, « Remonte en paix dans ta maison, regarde, j'ai écouté ta voix, et je t'ai accordé ta demande. » Puis Abigaïl revint vers Nabal, et voici, il faisait un festin en sa maison, comme un festin de roi, et Nabal avait le cœur joyeux, et était entièrement ivre, c'est pourquoi elle ne lui dit aucune chose, ni petite ni grande de cette affaire, jusqu'au matin. Il arriva donc au matin, après que Nabal fut désenivré, que sa femme lui déclara toutes ces choses, et son cœur s'amortit en lui, de sorte qu'il devint comme une pierre. Or il arriva qu'environ 10 jours après l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. Et quand David eut appris que Nabal était mort, il dit, « Béni soit l'Éternel qui m'a vengé de l'outrage que j'avais reçu de la main de Nabal, et qui a préservé son serviteur de faire du mal, et a fait retomber le mal de Nabal sur sa tête. » Puis David envoya des gens pour parler à Abigaïl, afin de la prendre pour sa femme. Les serviteurs donc de David vinrent vers Abigaïl en Carmel, et lui parlèrent, en disant, « David nous a envoyés vers toi, afin de te prendre pour sa femme. » Alors elle se leva, et se prosterna le visage contre terre, et dit, « Voici, ta servante sera pour servante à laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Puis Abigaïl se leva promptement et monta sur un âne, et 5 de ses servantes la suivaient, et elle s'en alla après les messagers de David, et fut sa femme. Or David avait pris aussi Ahinoam de Jizréel, et toutes deux ensemble furent ses femmes. Car Saül avait donné Michal sa fille femme de David, à Palti, fils de Laï, qui était de Galim.